Bon, alors mon frère, chose curieuse, figurez-vous, il a fait son apprentissage avec le fils du roi de Rome, avec qui s'appelait Camille Poisson. Il l'a fait, mais alors lui, il l'a fait à l'usine. Camille, il s'appelait. Camille Poisson, il est mort il y a 2 ans. C'était lui un excellent, excellent, excellent, excellent.